Je te rejoins sur ton nuage. Y a sûrement deux, la place pour deux, pour un voyage sur nos visages. Tu souris, je tombe amoureux. Je te rejoins sous ton étoile, elle brille pareil ici ou là, elle brille pareil ici et là, dans nos yeux qui est en serre. S'il reste des traces de ce qui nous poursuit. Je te rejoins sur un océan, dans le tourbillon des neiges, des écumes flottant au-dessus du néant. Le joison s'il reste des traces de ce qui nous poursuit. Je te rejoins sur le sol.